Le jeudi 27 avril, ici Dominique Lelièvre et les informations. C'est avec beaucoup d'émotion que Sam Ahmad tourne la page sur 14 ans de vie politique. L'ancien ministre responsable de la capitale nationale quitte ses fonctions de député de Louis Hébert. Élu pour la première fois en 2003, le Syrien d'origine aura occupé 7 ministères, dont ceux du travail et du développement économique. Monsieur Ahmad affirme que sa décision est le fruit d'une longue réflexion. Il dit partir la tête haute. Il avait été écarté du Conseil des ministres il y a un an dans la foulée d'allégations de favoritisme à l'endroit d'une entreprise du Bas-Saint-Laurent. J'ai fait le tour du jardin. Mon parcours en politique doit maintenant se boucler. En politique, on roule à 200 km à l'heure. On s'engage à 300%. Il n'y a pas de place pour les demi-mesures. On pense constamment aux autres, si bien qu'on finit par s'oublier. On manque les fêtes de ses enfants, les soupers de famille, la naissance de ses petits-enfants. Quand on rentre en politique, cela sous-entend qu'on la quitte un jour. Pour moi, ce jour est arrivé. Un nouveau joueur se lance dans la course à la mairie. L'ancien député adéquiste Jean-François Gosselin a fait part de son intention ce matin de briguer le poste de maire en même temps que la fondation d'un nouveau parti qui s'appelle Québec 21. Monsieur Gosselin se dit anti-service rapide par bus et pro-troisième lien. Il propose de miser sur le système de transport collectif actuel et d'améliorer le réseau autoroutier. Il propose également une baisse des taxes municipales et un retour aux missions essentielles de la ville. Natif de Québec, Jean-François Gosselin se dit confiant de présenter en novembre des candidats dans l'ensemble des districts de la ville. Enfin, le bal du Lézard est victime d'un cambriolage. L'établissement de la 3e avenue s'est fait dérober sa célèbre enseigne qui trône depuis une vingtaine d'années sur sa façade. Celle-ci avait été retirée le temps de mener des travaux devant le restaurant. Elle a été dérobée dans la nuit de mardi à mercredi dans la voiture du contractant responsable des travaux. Le propriétaire Alain Slide fait part de sa déception. Il affirme que c'est une question de symbole plus que d'argent. Ça, j'ai fait faire ça par un forgeron de Beauport il y a peut-être 20 ans à peu près, quand j'avais fait mes premières rénovations de façade. Je pense que je me souviens même pas facture. Je pense que ça m'avait coûté une affaire comme 1300 ou 1400. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça doit valoir à peu près 2-3 000. Mais c'est pas vraiment une question d'argent, moi, t'avoue. C'est une question de je trouve ça niaiseux. Qu'est-ce que la personne va faire avec ça? À moins que quelqu'un le prenne puis il va le faire fondre dans une fonderie. Mentionnons que le bal du Lézard est ouvert pendant la durée des travaux qui doivent se terminer vers le début du mois de juin. Printemps, été, automne, hiver. Météo. C'est généralement nuageux aujourd'hui à Québec. C'est venteux également, des vents qui soufflent à 20 km/h et rafales à 40 km/h. Le maximum cet après-midi sera de 13 degrés. Demain, vendredi, quelques averses, un maximum de 20 degrés. Du soleil pour samedi avec 17 degrés et 10 degrés dimanche, toujours sous les rayons du soleil. Présentement à Québec, c'est généralement nuageux. On a 7 degrés.